بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bienvenue à vous, chers auditeurs et chers auditrices, sur les ondes de Radio Mirat al-Anbiya, pour ce 15e cours autour des fondements et des particularités des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Ce sont des cours extraits des livres de Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Et donc, fait partie aussi parmi les fondements et les particularités des gens de la Sunna, les salafis, c'est qu'ils se distinguent des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Et ils se séparent d'eux, ils les mettent à la quarantaine. Ils vont pas dans leurs assises, ils avertissent contre eux jusqu'à ce qu'ils se repentent de leurs innovations et de leurs égarements. Tout ceci, ils le font pour les éduquer et pour protéger les musulmans de leurs ambiguïtés, des ambiguïtés des innovateurs ainsi que de leurs séditions. Et dans la confirmation de ce fondement salafi et de ce noble fondement, Cheikh Rabi' a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. As-salaf radiyallahu anhum kama yahki anhum al-baghawi wal-imam sabuni wa immatul islam ajma'u ala bughdi ahli al-bid'a wa hujranihim wa muqata'atihim. Hujran ahli al-bid'a aslun asil inda ahli sunnati saru alayh. Et donc, pour confirmer ce fondement, ce noble fondement salafi, Cheikh Rabi' dit les pieux prédisseurs radwanullah alayhim, comme le rapporte le Baghawi, ainsi que l'imam Sabuni, ainsi que les grands imams de l'islam, que les pieux prédisseurs d'Allah sont unanimes sur le fait de détester les gens de l'innovation, de l'équité, de n'avoir aucune relation avec eux et de les mettre à la quarantaine. Et donc la mise à la quarantaine des gens de l'innovation est un des fondements chez les gens de la Sunna. C'est un fondement qu'ils mettent en application. وسئل الشيخ ربيع عزه الله ما قولكم في من يقول ان هجر المبتدع لا يجعل اصلا. Et la question a été posée au noble cheikh Rabi', qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse triompher, qu'il le guérisse et qu'il lui donne le firdaus al-a'la et qu'il allonge sa vie dans son obéissance. La question, qu'est-ce que vous dites concernant ceux qui disent que la mise en quarantaine des innovateurs ne doit pas être un fondement, ne doit pas la prendre comme fondement. فَأَجَابَ وَاللَّهِ الَّذِي أَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ يُبْغِضُونَ وَيَهْجُرُونَ إِدَّعَى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعِ. Il dit, en réponse par Allah, ce que je sais, c'est que la mise à la quarantaine des gens de l'innovation, c'est un des fondements des gens de la Sunna. Ils détestent les innovateurs. Ils les mettent à la quarantaine. Et les hommes de science ont rapporté le consensus sur ce point et sur ce fondement. قال الشيخ حفظه الله قال البغوي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعاته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. إلي حفظه الله تعالى كل بغوي أدي كل رسول صلى الله عليه وسلم أنونسي كو سيت كومينوتي فاس ديفيزي إي كو إي فا يافوار لاباريسيون دو des passions et des innovations. Et comment être épargné, être sauvé des passions et des innovations? C'est le fait, on ne peut être sauvé de tout ça que de suivre la sunna du messager alayhi salam et la sunna de ses compagnons radhiyallahu anhum, qui est la même. Il dit, il est des devoirs du musulman quand il voit quelqu'un accomplir parmi les gens des passions et des innovations et qui suivent leurs innovations et qui suivent leurs passions, hein, qu'ils voient quelqu'un qui croit en ces innovations ou qui néglige tout simplement les sunan, il doit le mettre à la quarantaine, il doit se désavouer de lui, il doit le délaisser, qu'il soit vivant ou mort, il ne doit pas, hein, le commencer par salam, quand il le rencontre, il ne le salue pas. Et quand l'innovateur, il lui dit « Salam alaikum », il ne lui répond pas, jusqu'à ce qu'il délaisse sa bid'a, son innovation, et qu'il revient à la vérité. Et l'interdiction du fait de ne pas parler et de ne pas dépasser 3 jours concernant la mise à la quarantaine, cela, ça concerne tout simplement les négligences qu'il peut y avoir, hein, entre les gens dans les choses mondaines et dans leur amitié et ainsi de suite. Et ceci est les choses de la religion. Le droit de la religion ne rentre pas là-dedans, car mettre à la quarantaine les gens qui suivent leurs passions et les innovations, c'est la mise à la quarantaine, elle est constante, elle est toujours, elle est pour toujours jusqu'à ce qu'ils se repentent et qu'ils reviennent. وساق حديث كعب بن مالك في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك، وفيه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ وذكر هجران المسلمين لهم جميعا إلى أن اكتملت لهم 50 ليلة. إيه البغاوي دي الشيخ ربيع السيت له حديث كعب بن مالك. Quand ces 3 nobles compagnons se sont absentés de la bataille du Tabouk. Et Ka'b ibn Malik a dit, « Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans de nous parler, nous trois. Et les gens nous ont évités à tel point que je ne reconnais plus la terre sur laquelle je marche. Ce n'est plus la terre que je connaissais. » Et il a cité comment les musulmans les ont mis à la quarantaine tous, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au terme de 50 nuits. Ils étaient délaissés par tout le monde. قال البغاوي رحمه الله وفيه دليل على هجران أهل البدع وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وإخوانه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. البغوي دي دون سولا دون سيت استوار دو كعب بن مالك يا ان بروف كوم كوا ها il est c'est un argument comme quoi il faut mettre les innovateurs, les gens de l'innovation à la quarantaine. Et il a dit que comme si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour Ka'b et pour ses frères, il avait peur pour eux, pour l'hypocrisie, quand ils se sont absentés et qu'ils ne sont pas partis à la bataille du Tabouk. Et il a ordonné aux gens de les mettre à la quarantaine jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un des versets qui prouvent leur repentir. et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a su leur innocence. Et il a dit, rahimahullah, et les nobles compagnons ainsi que leurs successeurs, ainsi que les successeurs des nobles compagnons et les hommes de science de la Sunna, sont sur cette voie-là, sur la voie du fait de mettre à la quarantaine les innovateurs. Ils sont unanimes là-dessus. Ils sont tous d'accord sur la version des gens de l'innovation et sur le fait de les mettre à la quarantaine. ونقل العلامة ربيع المدخلي حفظه الله عن ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية قوله وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة قال وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم اي الشيخ ربيع حفظه الله أغمني aussi des paroles de ابن مفلح dans son livre Les comportements légiférés, Adab Sharia, et il a cité les paroles de Muwaffaquddin, rahmatullah alayh, dans le fait d'interdire de jeter un coup d'œil, dans les livres des innovateurs. Et il a dit que les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim interdisaient le fait de s'asseoir et d'être en compagnie des gens de l'innovation et de regarder, de lire dans leurs livres et d'écouter leurs paroles. Ça, c'est les paroles de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Maintenant, que doit-on dire sur ceux qui traduisent, en France et ailleurs, qui traduisent les livres des Haddadi? Et qu'ils prétendent qu'ils sont salafis. Ils traduisent des livres des Haddadi comme le Hazimi et autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وقال الشاطبي رحمه الله فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة إلى ستة وسيري بارول دو شاطبي رحمه الله كي دي Le groupe sauvé, qui sont les gens de la Sunna, ils ont l'ordre, d'avoir en aversion les gens de l'innovation. Et de ne pas leur donner d'importance et d'être sévère avec eux, et de ne pas leur parler et de le mettre à la cantelle, de les acculer vers les coins. Et même le gouverneur, il peut aller jusqu'à et mettre la sentence de les tuer. Et les hommes de science ont averti contre le fait d'être dans la compagnie des gens de l'innovation et d'être dans leurs assises. Et ce comportement, évidemment, ce comportement adopté vis-à-vis des innovateurs, évidemment, il provoque l'animosité et l'aversion. C'est tout à fait normal. Mais le reproche n'est pas à faire aux gens de la Sunna. Le reproche, doit être fait à ceux qui se sont dissociés des gens de la Sunna, et qui ont innové dans la religion d'Allah au lieu de suivre la voie des croyants, et ce n'est pas une aversion absolue comme ça, c'est une aversion pour la religion. Il nous a été ordonné, dit Shatib rahmatullah alayh, de les mettre à la quarantaine, d'avoir de l'aversion vis-à-vis d'eux. Et eux, il leur a été ordonné de revenir au groupe et de s'allier avec nous. Il fait partie aussi du fait de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation chez les gens de la Sunna, c'est délaisser le fait de jeter un coup d'œil sur leurs livres ou de les lire, parce qu'il y a des ambiguïtés qui peuvent être absorbées par le cœur de la personne, surtout quand les personnes sont faibles. Et dans ce sens-là, le porteur de l'étendard de la réfutation et de l'éloge, il dit, comme conseil, فعليكم بطلب العلم والإخلاص فيه لله واحترام علماء السنة والاستفادة من علومهم ومجانبة كتب أهل البدع ومنها الكتب الفكرية المشحونة بالبدع والضلالات والأفكار المنحرفة. الشيخ ربيع dans ce sens-là il donne des conseils. Il dit il faut que vous appreniez la science avec sincérité pour Allah et que vous respectiez les hommes de science de la Sunna, que vous profitiez de leur science, et il faut que vous évitiez les livres des gens de l'innovation. Il fait partie de ces livres, les livres de la pensée, qui sont pleins d'innovation, pleins d'égarements, et pleins de pensées déviantes. وكثير من الناس يقول الشيخ ينخعد يخدع الشباب ويقول اقرأ اقرأ وخذ الحق واترك الباطل. ويكون الشباب مساكين ما عندهم شيء، ما عندهم تمييز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل ويظنه حقا، ويحارب الحق ويظنه باطلا، وهذا حصل لكثير من الناس بهذه المصيدة. Et beaucoup de gens trahissent les jeunes ainsi. Beaucoup trahissent les jeunes ainsi. Il leur dit lis tout. Il prend la vérité, il délaisse le faux. Et les pauvres jeunes qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas d'outils ni de bagages pour pouvoir séparer, savoir cerner le vrai du faux, ils tombent dans le faux, ils croient que c'est la vérité. Et ils combattent la vérité en croyant que c'est le faux. Et ceci est arrivé à beaucoup de gens, ils sont tombés dans ce filet. Ils sont tombés dans ce filet. Et j'ai pas à vous citer d'exemples, les exemples sont nombreux autour de vous dans le dans la société francophone là-bas. يقول الشيخ ربيع فالسلف ما كانوا يقرؤون لأهل البدع وولفت كتب في التحذير من كتب أهل البدع ومهما ومنها كتاب الموفق بن قدامة في تحريم النظر في كتب أهل البدع وهناك تحذيرات من الإمام أحمد بن حنبل والذهبي وابن تيمية وابن القيم كلهم حذروا من كتب أهل البدع تحذيرا شديدا حذروا منها وبعضهم يرى إحراقها ومنهم ابن القيم ومنهم أحمد بن حنبل أو إتلافها إن فيها دمارا للأمة فيها إفساد. Il dit حفظه الله تعالى les plus prédisseurs d'Allah ne lisez pas dans les livres des innovateurs. Et il y a eu des livres qui ont été écrits pour nous avertir, pour avertir contre les livres des gens de l'innovation. Fait partie de ces livres, le livre de Muwaffaq ibn Qudama, dont le titre « L'interdiction de regarder dans les livres des innovateurs ». Il y a aussi des avertissements de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ainsi que de Dhahabi, ainsi que celle de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Tous, ils ont averti, ils ont émis des avertissements contre eux, les livres des innovateurs. Ils ont émis des avertissements très sévères et énormes. Ils ont averti et certains parmi eux ont décrété comme quoi il faut brûler les livres des innovateurs. Parmi ceux qui l'ont décrété, Ibn al-Qayyim et aussi l'imam Ahmed. Et ils ont décrété le fait de les brûler, le fait de les détruire et le fait de les faire disparaître. Car il y a une grande destruction dedans pour la communauté et des grandes corruptions pour la communauté. Donc on n'a pas à se faire avoir par certains qui donnent, par certains qui disent mais on a eu l'aval de tel cheikh pour pouvoir traduire les livres de l'Hazimi ou autre. Là, l'islam, c'est un innovateur, c'est un haddadi. Comment tu peux traduire ces livres et comment tu peux les donner comme si donner ce poison aux jeunes pour les lire? يقول حفظه الله فلما انتشرت كتب أهل البدع في أوساط المسلمين تساهل كثير من المسلمين ووقعوا في حبائل أهل البدع صار هذا معتزليا وهذا جهميا وهذا أشعريا وهذا صوفيا وهذا وهذا وما بقي إلا قلة ممن يسلك مسلك السلف الصالح في هذا الخضم الهائل من أهل البدع والعياذ بالله. ما السبب؟ السبب هو مثل هذه النظرية اقرأ أقرأ وأخذ الحق وأترك الباطل فيأتي فيأخذ الباطل ويرد الحق. Il dit حفظه الله et quand les livres des innovateurs ont été propagés au milieu des musulmans, beaucoup de musulmans ont été laxistes à ces nouveaux-là. Ils ont commencé à les lire, ils sont tombés dans les filets des gens de l'innovation. Certains sont devenus des mu'tazilites, d'autres des jahmites, d'autres des ash'arites, d'autres des sofis, et ainsi de suite. et il n'est resté qu'une petite minorité qui se cramponne sur la voie du pire prédisseur d'Allah Alim, dont cette marée, cette grande marée des gens de l'innovation que Allah subhanahu wa ta'ala nous en présente. Il dit la cause, c'est quoi? Il dit la cause, ce genre de vision. Je lis et je prends la vérité, je délaisse le faux. Et il prend le faux, il délaisse la vérité. يقول حفظه الله وقد كان السلف أمثال ابن سيرين إمام من أئمة السنة وأيوب السختياني يعرض عليهم من أهل البدع أن يقرأوا عليه آية من القرآن يقول ولا نصف آية لماذا؟ يفهم أن هذا يريد أن يلبس عليه ويتلو الآية عليه ليستخرج منها شبهة فيقول لا أسمع لماذا يفعل هذا؟ يقول إن قلبي ليس بيدي وأخاف على نفسي الفتنة. Et il dit, Rahimahullah, Hafidah, Cheikh Rabbi, les pires prédécesseurs, et regarde ce qu'il cite, des montagnes de science, les pires prédécesseurs, comme Ibn Sirin, imam parmi les grands imams de la Sunna, comme Ayyub Sirtiani, un grand imam aussi. Les innovateurs viennent le voir et leur disent, on veut te réciter un verset du Coran. Il dit même pas la moitié d'un verset. Cheikh, il dit pourquoi? Dit parce que ces imams ont compris que ceux-là, ils veulent déguiser les situations. Réciter ce verset pour en extraire une ambiguïté. Et les imams leur disent là, moi j'entends rien, je veux rien entendre de toi. Pourquoi ils agissent ainsi, dit Cheikh? Les imams, ils ont répondu à ça, Ibn Sirin et autres, ni mon cœur n'est pas entre mes mains. Et j'ai peur pour moi la fitna, la sédition. Ça, ce sont de grands imams qui agissent ainsi. Que doit faire notre jeunesse maintenant? Doit écouter n'importe qui? S'asseoir avec n'importe qui? يقول إذا كان الأئمة يخافون على أنفسهم الفتنة أنت كيف تأمن؟ كيف تأمن؟ Il dit, حفظه الله, si les grands imams ont peur pour eux la fitna, toi, comment tu peux avoir la sécurité de la situation? Comment tu peux être, confiant comme ça. يقول والكتاب مثل الجليس فلا بد من ضرر يلحق من يقرأ في كتابه للبدع ويجالسهم. قال الشاعر وخير مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. وأنا أقول وقد يكون شر جليس في الزمان كتاب قد يكون كنافخ الكير هذا الكتاب بل أشد. إلدي حفظه الله. Et le livre, il est comme le compagnon. Il y a sans aucun problème obligatoirement que la personne qui lit dans les livres des innovateurs, il va être contaminé. Il va subir une corruption de ce livre. Il dit, le poète a dit que le meilleur endroit, une cierge allumée dans la nuit, et le meilleur des compagnons, c'est un livre. Cheikh Rabi, il répond à ça, il dit, et moi je dis que le pire des compagnons en tout temps peut être un livre. Car le livre peut être comme le maréchal Ferrand. Celui qui te brûle les vêtements. L'exemple qu'a donné Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam pour le mauvais compagnon. Et donc, Cheikh, il dit, le livre peut être pire qu'un mauvais compagnon. وقال حفظه الله على كل حال. C'est-à-dire les livres des innovateurs. قال حفظه الله على كل حال منهج السلف واضح وننصح الشباب إن أرادوا العظة والعبرة ففي كتاب الله والله العظات وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظات والعبر. الشيخ يقول que الله سبحانه وتعالى préserve. De toute façon, la voie des pieux prédisseurs de Allah Alim, elle est claire. Et nous conseillons les gens, s'ils veulent des leçons, ils veulent des exhortations, ils sont dans le livre d'Allah. Et par Allah, ils sont, les exhortations sont dans le livre d'Allah. Ils sont dans la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Les leçons et les exhortations. يقول وقد سئل أبو زرعة. Écoute. عن كتب الحارث المحاسبي. وكان أعلم أتقى وأزهد من هؤلاء الوعاظ. وكان أبعد عن البدع من هؤلاء. وجد في كلامه شيئا من التصوف الذي لا تخلو منه مواعظ هؤلاء الوعاظ سألوا أبا زرعة الإمام العظيم الكبير إمام السنة عن كتب الحارث فقال دعوها فإنها كتب ضلالة وبدع قالوا إن فيها عبرة قال من لم يعتبر بكتاب الله فليس له فيها عبرة يقول الشيخ فهذا منهج السلف يا إخوتاه قد حذروا من كتب أهل البدع والنظر فيها. Écoute maintenant l'exemple qu'il donne, il est très fort. Abu Zur'a, on lui a posé la question sur les livres de l'Harith al-Muhasibi. L'Harith al-Muhasibi, il avait plus de science que ces exhortateurs qui existent maintenant. Il préservait plus les droits d'Allah, il était un grand zahid aussi. Et il était loin des innovations. Hein? Il n'était pas béni dans les innovations comme les exhortateurs de nos jours. Mais Abu Zur'a a trouvé dans ses écrits et dans ses paroles un peu de tasawuf, du sophisme. Et le sophisme n'épargne pas les exhortations de ses exhortateurs. Et on a posé, la question a été posée à Abu Zur'a, ce grand imam, ce noble imam de la Sunna, concernant les livres de l'Harith, le Muhasibi. Il a dit, délaissez-la, ce sont des livres de l'égarement et des innovations. Ils lui ont dit, ya Abu Zur'a, il y a des leçons à retenir dans ces livres d'Al Muhasibi. Il leur a dit, celui qui ne retient pas les leçons du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune leçon. Il n'aura aucune leçon d'ailleurs. Le Cheikh Rabi a dû dire, ça c'est la voix des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Dit, oh frère, ça c'est la voix des pieux prédisseurs. Ils ont averti contre les livres des gens de l'innovation, contre le fait de les lire ou de jeter un regard dessus. Et pour nous éclairer sur la cause pourquoi les pieux prédisseurs d'Allah alayhim ont conseillé et ont ordonné le fait de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation et de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas chercher leur compagnie, c'est par peur d'être influencé par eux et par peur d'être contaminé par eux. Hein? Par peur que celui qui va à leurs assises et qui cherche leur compagnie, qu'il soit contaminé. Et le résultat, il va être quoi? Il va être une victime parmi leurs victimes et il va dévier. Il va devenir comme eux, il va devenir pire que ça, il va devenir un ennemi des gens de la sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et les exemples sont nombreux. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi' il dit, « Mawaqifu ahli sunna min ahli al-bida' wadiha kash-shams » قد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مجالسة أهل البدع وأهل الشر عموما وحذر السلف من ذلك والذين خالفوا هذه التحذيرات يبوؤون بالانحراف فالذي يرفض توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التحذير من مجالسة أهل الشر كما في الحديث مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك ما نحديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. يقول الشيخ ربيع فلماذا لا يأخذون بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم يصب من يخالطهم 100% 90% لا يسلم من شرهم فالذي يخالطهم ويعاشرهم ويعطيهم ولا فإنه يتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم ويبتلى بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه وفي الغالب ينحرف ويذهب معهم. Et Cheikh Rabi' de nous dire, hein, les positions des gens de la Sunna concernant les gens de l'innovation sont claires comme le soleil en plein jour. Dit Rasoul nous a averti d'être en compagnie avec les gens de l'innovation et avec les gens de la corruption et du mal en général. Salaf nous ont averti de tout ça aussi. Et ceux qui n'ont pas pris en considération ces avertissements et qui ont agi contrairement à ces orientations, ben ils dévient, ils tombent dans l'égarement et dans la déviance. Celui qui refuse les orientations du noble messager alayhi salatu wassalam dans le fait, hein, dans l'avertissement contre les gens du mal et de la corruption, comme dans le hadith, l'exemple du bon compagnon et l'exemple du mauvais compagnon, c'est comme le vendeur de parfum et le maréchal ferrant. Le vendeur du parfum, soit il va te parfumer, soit tu vas lui acheter un bon parfum. Ou alors tu vas, en étant sa compagnie, sentir que des bonnes odeurs. Quant au maréchal Ferrand, soit il va brûler tes vêtements, soit tu vas trouver une odeur puante. Cher, il dit, pourquoi ils ne prennent pas ce conseil du messager alayhi salatu wassalam? Il dit, celui qui se mélange avec les gens de l'innovation et les gens de la corruption, s'il n'est pas influencé à 100%, il le sera à 90%. Il ne va pas être épargné de leur mal. Dit celui qui se mélange à eux, qui reste avec eux et qui s'allie à eux, aucun doute, il a dit, il va être influencé par leur style et par leur pensée. Et il va être prouvé à aller dans leur sens, et à les caresser dans le sens du poil, et à cacher la vérité et à faire prévaloir leur faux, jusqu'à ce que meure son cœur. Il dit en général cela, il dévie et il devient comme eux. Et il y a des grands exemples qui sont arrivés. Et Cheikh Rabbi, il en a donné certains qui ont été influencés par les gens de l'innovation à cause du fait d'avoir cherché leurs assises. Et l'heureux, c'est celui qui prend la leçon des autres. Qui prend la leçon de ce qui est arrivé aux autres. Cheikh Rabi a dit, فَنَحْنُ نُحَدِّلُ الشَّبَابِ السَّلَفِي مِنْ مُخَالَطَةِ هَؤُلَاء وَالْسْتِئْنَاسِ بِهِمْ وَالْرُكُونِ إِلَيْهِمْ فَلِيَعْتَبِرُوا بِمَنْ سَلَفَ مِمَّنْ كَانَ يَغْتَرُ بِنَفْسِهِ وَيَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ سَيَهْدِي أَهْلَ الضَّلَالِ وَيَرُدُّهُمْ عَنْ زَيْغِهِمْ وَضَلَالِهِمْ وَإِذَا بِهِ يَتَرَنَّحُ وَيَتَخَبَّطُ ثُمَّ يُصْرَعُ فِي أَحْضَانِ أَهْلِ الْبِدَعِ. Il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, nous, on avertit les jeunes salafis, la jeunesse salafi, on les avertit contre le fait de se mélanger avec ces gens-là, avec les innovateurs, et de chercher leur compagnie, et d'aller vers eux. Ils doivent prendre les leçons de ceux qui sont passés avant eux. Les jeunes salafis ne doivent pas être imbus d'eux-mêmes et de croire que de se voir et d'être imbus de lui-même, dire je vais aller guider les gens de l'innovation et de l'égarement. Je vais les détourner de leur égarement. Et tout d'un coup, le pauvre, il patauge et il tombe dans leur giron, dans le giron des gens de l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول وقد مضت تجارب من فجر تاريخ الإسلام فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وقعوا في الضلال وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى المختار بن أبي عبيد وقعوا في الضلال وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين ضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. Il dit, les expériences depuis l'aube de l'islam sont nombreuses. Il y a des gens parmi les enfants des nobles compagnons, quand ils sont partis, comme ils ont pris la compagnie de Ibn Saba, ils sont tombés dans l'égarement. Et d'autres gens parmi les enfants de Sahaba et de leurs successeurs, quand ils ont cherché la compagnie de Mukhtar Ibn Abi Ubaid, ils sont tombés dans l'égarement. Et d'autres gens, quand ils ont cherché la compagnie des prêcheurs politiques égarés, parmi les têtes de l'innovation, ils sont tombés dans leur filet et dans leur égarement. يقول وكثيرون وكثيرون جدا ولكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان كان من أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فأراد أن يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها فأوقعته في البدعة قبحه الله وكان يريد أن يهديها فظل بسببها وكثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي يقول أنا أدخل مع أهل الأهواء لأهديهم فيقع في حبائلهم عبد الرحمن بن مولجين وعمران بن حطان كلهم كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال وأدى بعبد الرحمن بن مولجين فجوره إلى أن قتل عليا وأدى بعمران بن حطان فجوره إلى أن مدح هذا القاتل نسأل الله العافية قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم. بارك الله فيكم. Il dit, habidallahu ta'ala, beaucoup sont tombés. Il dit, je vous cite l'histoire de Imran ibn Hittan. Il était parmi les gens de la Sunna. Et il a aimé une femme parmi le Khawarij. Il a voulu se marier avec elle pour la guider vers la Sunna. Il s'est marié avec elle et cette femme l'a fait rentrer dans l'innovation du Khawarij. Qabbahallah. Et il voulait la guider. Lui, il voulait la sortir de la voie du Khawarij. Et à cause d'elle, il est tombé dedans. Il dit, beaucoup parmi les adeptes de la foi salafi disent, moi, je vais rentrer chez les gens de l'innovation pour les guider. Ils tombent dans leur giron. Ils tombent dans leur filet. Abdurrahman ibn Muljim et Imran ibn Hittan, tous appartenaient à la Sunna. Ils sont tombés dans les garments. Abdurrahman ibn Muljim, sa perversité l'a amené à tuer Ali radiallahu anhu arda. Et Imran ibn Hittan, sa perversité l'a amené à éloger Imran ibn Hittan qui a tué Ali radiallahu anhu arda. Imran ibn Hittan a éloigné Abdurrahman ibn Muljim qui est l'assassin de Ali radiallahu anhu arda, dans une poésie dans laquelle dit que ce coup qui est donné par ce pieux, il a voulu avec, c'est-à-dire le coup qu'il a donné à Ali, il a voulu avec de se rapprocher de celui qui est au-dessus de son trône. Et quand je me rappelle de lui, je le compte parmi les meilleurs de la créature chez Allah. Riyadan billah. Jusqu'à à certaines poésies qu'il a dit dans les éloges de cet assassin. الله سبحانه وتعالى الشيخ يديك الله سبحانه وتعالى ابو فينيس. وحصل لعبد الرزاق من أئمة الحديث أن انخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في حبائل التشيع. Il est arrivé عبد الرزاق إمام parmi les imams du hadith. Il s'est fait avoir par l'adoration et le zuhd de جعفر بن سليمان الضبعي. Il a été apaisé dans sa compagnie et il est tombé dans les filets du tashayyu'. Et wankhada'a wa hasala li 'Abd al-Razzaq wankhada'a Abu Dharr al-Harwi rawi as-sahih bi riwayat wa huwa min a'lam al-hadith inkhada'a bi kalimatin qalaha ad-Darqutni fi madh al-Baqillani فجرته هذه الكلمة في مدح الباقلاني لأن وقع في حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية وانتشر بسببه المذهب الأشعري في المغرب العربي. أبو ذر الهروي c'est le rapporteur, il a rapporté le tontique du Bukhari par plusieurs versions. Il a ramené plusieurs versions de l'authentique du Bukhari. C'est un des emblèmes du hadith. Il s'est fait avoir par une parole qu'a dite Daraqutni. Daraqutni a dit une parole dans laquelle il élogeait le Baqillani. Et cette parole dans laquelle Daraqutni a élogé le Baqillani a entraîné Abu Dharr al-Harwi à tomber dans les filets de l'Ash'ariya. Il est devenu un prêcheur parmi les prêcheurs de l'Ash'ariya. Et c'est lui qui a propagé la voie ash'arite au Maghreb, au nord de l'Afrique. Tu imagines un peu? والبيهقي انخدع ببعض أهل الضلال كابن فورك وامتالي وكان من أعلام الحديث. Et le Bayhaqi s'est fait avoir par certains gens de l'égarement, comme Ibn Fourk, qui est si similaire. Alors que le Bayhaqi était un des emblèmes du hadith aussi. وكثير وكثير من الناس في هذا العصر وكثير وكثير من الناس وفي هذا العصر امثله كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا. Il dit beaucoup beaucoup parmi beaucoup de gens. Il dit à notre époque beaucoup d'exemples aussi que nous avons connus qui étaient sur la voie salafi, ils se sont mélangés, ils ont cherché la compagnie des gens de l'innovation et se sont égarés. Alors fais attention à toi, jeune salafi, qui n'a pas beaucoup de bagages scientifiques, fais très attention à toi. Et Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala a donné de grands éclaircissements sur le fait que ce qui amène les jeunes et les gens de la Sunna à se mélanger, à chercher la compagnie des innovateurs, c'est le fait que d'avoir des bonnes suspicions sur les gens de l'innovation et d'avoir confiance en eux. Et le fait d'avoir des bonnes suspicions et d'avoir confiance en eux traîne les gens vers le fait d'aller à leurs assises, de chercher leur compagnie. Alors que l'obligation pour les gens de la Sunna, c'est d'avoir des mauvaises suspicions sur les gens de l'innovation. Pourquoi? Parce que ils sont accusés de l'innovation dans leur religion, dans la religion d'Allah. Parce qu'ils ont des ambiguïtés. Parce qu'ils ont des déviances, des égarements. Ils déguisent les situations. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, il nous dit, min huna yajibu al-hadar ou minhum ghayat al-hadar. وما هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحلافات وهم يريدون السوء لمن يثق فيهم ولمن يجالسهم ويخالطهم ولهذا تراهم يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق إلى ذلك الله سبحانه وتعالى البرزم partant de là il faut faire très attention, il faut être vigilant et faire très attention aux ambiguïtés qu'ils ont et aux déviances qu'ils ont. Ils veulent, ils cherchent le mal pour ceux qui ont confiance en eux. Ils veulent les induire dans les mal, dans le mal. Tous ceux qui cherchent, qui ont confiance en eux, qui vont chercher, qui vont se mélanger à eux, qui cherchent leur compagnie, ils veulent les induire dans le mal. C'est pour ça que tu les vois prendre différentes façons, différents chemins, différents moyens pour détourner les gens de la vérité et surtout, les jeunes, pour détourner les jeunes de la voie d'Allah, la voie véridique. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول الشيخ لما تلاها قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان ومكان. Il cite le messager عليه الصلاة والسلام l'argumentation. Il dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a récité ce verset dans la traduction approximative du sens de ce verset nous dit ceci. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a descendu sur le livre, qui a descendu sur toi le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs et d'autres et ces livres qui sont et ces versets qui sont clairs, ce sont l'origine du livre. Et d'autres qui portent à confusion. Ceux qui ont la maladie du cœur et la déviance dans le cœur suivent ce qui est ambigu pour chercher la sédition et la fitna et pour en donner une fausse interprétation. Alors que sa réelle interprétation ne la connaît qu'Allah. Et ceux qui sont ancrés dans le science disent, nous y croyons. Tout nous vient de notre souverain. Il ne se rappelle que ceux qui sont doués de raison. Il a dit, Habibullah, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, il a dit, quand vous voyez ceux qui suivent l'ambigu des versets, ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a nommés. Faites attention à eux. Cheikh, il dit, ceux-là, ce sont les gens qui suivent leurs penchants, leurs passions. Ce sont les gens de la déviance. Ce sont les gens qui suivent les ambiguïtés. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention sur les gens de la déviance dans la religion. Hein? Ceux qui suivent l'ambigu, c'est ceux-là duquel il faut faire très attention. Et il dit, sur le chemin de ceux-là, qui sont désignés par le prophète alayhi salatu wasalam, rentre les gens de l'innovation en tout temps et en tout lieu. Yaqul fa ihsanu dhann bi ahli al-hilafat wa ahli al-bid'ah wa al-dalalat mukhalif li manhaji Allah tabaarak wa ta'ala. Mukhalif li manhaji Allah tabaarak wa ta'ala. Fala budda min al-hadr minhum. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين لعن الله فاحذروهم. Et donc il dit, حفظه الله, avoir des bonnes suspicions concernant les gens de la déviance et les gens de l'innovation et de l'égarement, ceci est contraire à la voie d'Allah. Obligatoire de faire attention et d'avertir contre eux. Hein? C'est pour ça que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, quand vous voyez ceux qui suivent l'ambigu, ceux-là, hein? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné. Faites attention à eux. Oulaïka alladhina samma Allah fahdharuhum. Ma qala ahsinu bihim adh-dhann kama yaqulu al-an katirun min ahli al-ahwa. Antum tatakallamun 'an an-nawaya, antum tatakallamun 'an al-maqasid. Ya akhi, idha ra'ayna 'indaka shubah wa dhalalat, anta muttaham. Allah hadharana minka. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منك كيف لا نحذر منك وكيف نحسن بك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يلدي حفظه الله تعالى ها الرسول صلى الله عليه وسلم n'a pas dit avoir des bonnes suspicions sur eux comme ils disent beaucoup de gens aujourd'hui parmi les gens de l'innovation disent vous parlez sur les intentions. Vous parlez sur les intentions. Et achi, hein, quand on voit que tu as des ambiguïtés, tu as des égarements, tu es accusé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre toi. Et le messager nous a avertis contre toi. Comment on ne va pas avertir contre toi? Comment on va avoir des bonnes suspicions sur toi alors que Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur hein, ta mauvaise attention et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre toi. يقول فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل. الشيخ ربيع الجي celui qui respecte la voie salafie et celui qui respecte les croyances salafie et celui qui respecte les gens de cette voie salafie, les anciens, les premiers et les contemporains et ceux qui sont et ceux qui vont arriver, comment il peut avoir des bonnes suspicions sur les gens du faux, et comment il peut s'allier aux gens du faux, et aller chercher leur compagnie. وقال حفظه الله فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم والسبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم والتساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الانحلاف. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit, faites attention aux gens de l'innovation. Il faut les détester, il faut les mettre à la quarantaine, il faut, se couper avec eux. C'est la seule voie qui peut protéger ceux qui sont saints dans leur, parmi les gens de la sunna. C'est la seule voie, le fait de mettre les innovateurs à la quarantaine, de se séparer d'eux, de se distinguer d'eux, hein, c'est le seul moyen pour préserver, hein, les saints parmi les gens de la sunna, pour qu'ils ne tombent pas dans leur fitna. Et le fait d'être laxiste avec les gens de l'innovation et d'avoir des bonnes suspicions sur eux, et on peut être protégé que, on les met, hein, quand les mettons à la quarantaine, c'est-à-dire on mettons à la quarantaine les gens de l'innovation, hein, ça nous permet d'être épargnés de ne pas être laxiste avec eux, de ne pas avoir des bonnes suspicions sur eux, de ne pas aller vers eux, parce que le fait d'être laxiste avec eux, d'avoir des bonnes suspicions sur eux, et d'aller chercher leur compagnie, c'est le début de l'égarement. Il y a un détail ici très important en ce qui concerne le fait de mettre à la quarantaine les innovateurs. Et ce détail, Cheikh Rabi Hafidhahullah l'a confirmé dans plusieurs passages dans ses livres. C'est le fait de différencier entre le prêcheur innovateur, hein, le prêcheur qui appelle vers l'innovation, celui-là, tu le mets à la quarantaine, il n'y a aucun regret, aucune gêne à avoir. Et même si le gouverneur fait partie des gens de la sunna, c'est le dénoncer au gouverneur pour qu'il subisse son châtiment. Et donc, ceux-là, ce sont les prêcheurs. Il faut faire la différence aussi avec les débutants, avec la masse, qui ont été influencés, les gens de la masse qui ont été influencés par les gens de l'innovation parce qu'ils sont ignorants. Ceux-là, comme nous allons voir, on ne les met pas à la quarantaine parce que cela, c'est le sujet de notre dawa. Nous devons leur faire dawa de la meilleure des façons, en mettant les choses à leur place et en leur donnant des éclaircissements sur la vérité. Et cela ne veut pas dire qu'on va s'asseoir avec eux, chercher leur compagnie, rigoler avec eux, se taper des snacks avec et rester à discuter de n'importe quoi, etc. Là, on se mélange avec eux pour le but de la da'wa, pour leur montrer la vérité. N'espérons que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Ça, c'est le détail qu'il faut retenir à ce niveau-là. Il faut faire la différence entre les prêcheurs, hado à la quarantaine directement. Les novices qui se sont fait avoir, qui ont été influencés par les innovateurs, et les gens de la masse qui sont ignorants, il faut prendre un chemin adéquat pour pouvoir les guider. Sans se mélanger avec eux juste pour rigoler ou là pour faire des matchs de foot ou autre, j'en sais rien. Et il y a un autre détail qu'il faut prendre en considération par rapport aux gens de la sunna. C'est que pas tout un chacun peut se mélanger avec les gens de l'innovation, prétextant qu'il va leur faire dawa. Celui qui va se mélanger avec eux, et qui va rentrer au milieu d'eux, c'est celui qui a du bagage scientifique. Et qui a de la force, et qui est fort dans le débat. Pour qu'il les influence et qu'il ne soit pas influencé par eux. Et il va au milieu d'eux, dans le but de leur faire dawa, dans le but d'accomplir l'épreuve. Quant à celui qui est faible, qui n'a pas de bagage scientifique, il faut qu'il se préserve des ambiguïtés des innovateurs. Et écoute ce que va dire Cheikh Rabir concernant ce point. Regarde ce détail qu'il va faire. قول حفظه الله أهل البدع ندعوهم إلى الله ونبين لهم ثم هم قسمان قسم دعاة إلى الشر فهؤلاء لا يؤخذ منهم حديث ولا يؤخذ منهم علم ويجب التحذير منهم لوقاية الأمة من شرهم فإنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله دي حفظه الله les gens de l'innovation on les appelle vers Allah on leur montre la vérité. Et ce sont deux catégories, les gens de l'innovation. La première catégorie, ce sont les prêcheurs du mal et de la corruption. Ceux-là, on ne prend pas leur parole. On ne prend pas science chez eux. Eux, il est obligatoire d'avertir contre eux pour préserver la communauté de leur mal. Ce sont des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Celui qui leur répond, qui répond à leur da'wa, ils vont le jeter dans l'enfer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Taniyan, yaqul wa amma awamuhum. فَأَوْلَئِ لَا يُهْجَرُونَ وَإِنَّمَا يُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ يعني غيب دعاة وعوام وفسادهم في أنفسهم فهذا حاول هدايته إلى الله تبارك وتعالى، تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كان في الاختلاط به ما يضرك فابتعد عنه. Il dit, la deuxième catégorie, ce sont les gens de la masse, des innovateurs qui sont influencés par les innovateurs. Cela, il dit, on ne les met pas à la quarantaine. On leur fait da'wa de la meilleure des façons, avec la meilleure des exhortations. Ceux-là qui ne sont pas des prêcheurs, que ce sont que des gens de la masse, et dont leur corruption se limite à eux tout simplement. Celui-là, essaye de le guider vers Allah. Fais-lui, appelle-le. Hein? Fais-lui la da'wa avec sagesse, en mettant les choses à leur place, avec bonne exhortation. Et si tu vois que le fait de se mélanger avec lui va, hein, va être mauvais pour toi, tu t'en éloignes. C'est le fait de se mélanger avec lui, il va t'influencer dans le mauvais sens, tu t'en éloignes. وسئل حفظه الله هل يجوز هجر من يسلم على أهل البدع من الإخوة المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره بأنهم مبتدعة ويزاهد الناس في علم الجرح والتعديل. Et la question a été posée à Cheikh Rabi, hafidahullah, est-ce que il est permis de mettre à la quarantaine celui qui salue les gens de l'innovation parmi les frères musulmans, les activistes, les takfiris, et qui va en leur compagnie en confirmant, en reconnaissant que ce sont des innovateurs. Mais, hein, il éloigne les gens de la science de la réfutation et de l'éloge, hein. Hein, il fait en sorte d'éloigner les gens des livres de la science de la réfutation et de l'éloge. فأجاب سدده الله كيف يجالسهم بارك الله فيك هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع. Il dit comment ils s'assoient avec eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Est-ce que les salafis maintenant s'assoient avec les gens de l'innovation. يقول الآن السلفيون قسمان سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بارك الله فيك بالحجة والبرهان ويؤثر فيهم وليؤثرون فيه فهذا واجب أن يختلط بهؤلاء ويدعوهم لا لأجل أكل ولأجل شرب ولا مداهنة ولا شيء من أمور الدين ولا إقرار على باطل إنما يحصلهم في المساجد يدعوهم يحصلهم في الأسواق يدعوهم يركب معه في سيارة يدعوه يركب معه في طيار في طائرة يدعوه يركب في قطار يدعوه. Il dit حفظه الله تعالى les salafis aujourd'hui sont deux sortes de salafis. Un salafi fort qui peut transmettre la da'wa d'Allah aux gens de l'innovation et aux adeptes de parti. Il dit celui-là barakallahu fik transmis avec les preuves et les arguments. Et il les influence. Et il ne subit pas d'influence de leur part. Et celui-là, qui a ces caractéristiques-là, qui peut les influencer sans être influencé par eux, et hein, transmettre la droite d'Allah avec preuves, celui-là, son obligation, c'est de se mélanger à eux et de les appeler. Non pas pour manger avec eux, s'asseoir pour boire avec eux, non pas pour les caresser dans le sens du poil, mais pour la religion. Et non pas pour confirmer leur faux non plus. Mais ils le rencontrent à la mosquée, ils lui font da'wa. Ils le rencontrent au marché, ils lui font da'wa. Ils montent avec lui dans une voiture, ils lui font da'wa. Ils montent avec lui dans un avion, ils lui font da'wa. Ils le rencontrent dans un train, ils lui font da'wa. يقول يدعو لأنه لا بد من الاختلاط بهؤلاء ما له فكة منه لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساحقة والسلفيون كالشعرة البيضاء في الثور الأسود بارك الله فيكم فرغم أنفه يختلط بهؤلاء لكن ما واجبه واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا إذا جلس في بيته بحجة هجران أهل البدع فهذا موت الدعوة. Il dit حفظه الله celui-là il doit prêcher. Celui-là, il doit prêcher. Et pour prêcher, il est obligé de se mélanger avec eux. Il ne peut pas s'en démêler. Car les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, ce sont eux qui sont majoritaires. Ils sont nombreux. Et les salafis sont comme un poil blanc sur la peau d'un veau noir. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Donc il a dit, celui-là, son obligation, c'est de transmettre la da'wa d'Allah, en mettant les choses à leur place, avec bonne exhortation. Et il dit, si celui-là maintenant, il reste chez lui à la maison, prétextant qu'il met à la quarantaine les jeunes de l'innovation, celui-là, il va tuer la da'wa. À l'instar de celui qui est fort, qui a le bagage. Hein? يقول فمثلا إنسان جاهل ضعيف شخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته فهذا ينبغي أن ينجو من أهل البدع من أهل الشبع والبدع ويبتعد عنهم لا يجالسهم لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك فقل وعليك السلام لكن أن تجالسهم وتآكلهم وتضاحكهم وتجلس إليهم فأنت في هذا مخطئ لأن ما فعلته مخالف للمنهج السلفي ومخالف للسنة. Et il dit, Havidahullah, et par exemple, une personne qui est ignorante, dont la personnalité est très faible, est faible, quand il entend la moindre ambiguïté, khlas, la moindre ambiguïté, il le prend. Il dit, celui-là, il faut qu'il se préserve des gens, des ambiguïtés et de l'innovation. Celui-là, il faut qu'il s'éloigne d'eux. Il faut pas qu'il cherche leur compagnie. Il faut pas qu'il s'assoie avec eux. Et s'il est prouvé par quelqu'un qui lui passe salam, il lui répond, alayka salam, mais, il s'assoit pas avec lui, il va pas manger avec lui, il rigole pas avec lui, il reste pas avec lui. Il dit, si tu restes avec lui, tu t'assois avec, tu es dans l'erreur, tu as commis une erreur. Parce que ce que tu as fait, il est en divergence avec la voie salafi, il est en divergence avec la sunna. Ah, ça c'est le faible qui n'a pas de personnalité et qui peut être balayé par les ambiguïtés, il doit agir ainsi. يقول السلفيون الذين قبلنا قد انتشروا كذلك بين البدع وأثروا فيهم وأدخلوا الألوف في حظيرة المنهج السلفي فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية أو عالما أقام الحجة ودعا هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة واستثرونا آثار هذا. Il dit, les salafis avant nous, dit Cheikh Rabi, se sont propagés au milieu des innovateurs. Ils ont influencé les innovateurs. Ils font rentrer des milliers d'innovateurs dans la voie salafie. Il dit, celui qui a la force dans le débat et qui a une personnalité très forte et qui a la science et qui peut accomplir les preuves, et s'il prêche cela, il va voir des bons résultats. Celui qui est fort dans le débat, qui a une forte personnalité, qui a la science, celui-là, qui a ces caractéristiques-là, quand il accomplit les preuves et qu'il prêche en mettant les choses à leur place et avec bonne exhortation, va voir le résultat que ça va donner, dit Cheikh Havidahullah. Yaqul wa d'aïf, لا والله لا يخالط في الجملة لكن إذا امتحن بالسلام عليه فليسلم ولا شيء عليه وإلا فماذا يصنع لكن لا يخالط ولا يجالس. Il dit, le faible, par Allah, il se mélange pas avec eux en général. Il se mélange pas. Mais s'il a été prouvé par que l'innovateur lui a passé salam, il répond. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se mélange pas avec eux. Il s'assoit pas avec eux. يقول وسئل حفظه الله أيضا ما نصيحة شيخنا لبعض الإخوة الذين لا يفرقون بين الدعوة العام الذي وقع في البدعة وبين الداعية إلى البدعة وما هو منهج السلف في ذلك؟ Et une autre question a été posée à Cheikh. C'est quoi le conseil que vous prodiguez, Cheikhna, à certains frères qui ne font pas la différence entre la da'wa de quelqu'un de la masse qui est tombé dans une innovation et le prêcheur qui appelle vers l'innovation. Et c'est quoi la voix du salaf dans ce sens-là? فأجاب حفظه الله السلف فرقوا بين الدعاة وغيرهم الدعاة عاملوهم بشدة هجروهم وقاطعوهم ولم يأخذوا عنهم العلم وإذا تمادى في دعوة إلى الباطل أغروا به ولاة الأمور فيقتلونه إلى خير ما عملوا به أولئك الضلال وأما الساكت والعام فهذا له معاملة أخرى نترفق بعوامهم ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونبين لهم فهذا الجاهل الذي ترى أنه على بدعة علمه وبين له خطأه وبين له أن هذا العمل بدعة بالحجة والبرهان فلعل الله أن يهديه على يديه ولا تسبق الأحكام البيان قدم البيان ثم بعدها إذا عاند واستكبر وأبى عند ذلك عامله بما يستحق من أحكام وغيرها. Et il a dit, Hafidhahullah Ta'ala, sa réponse, c'est que les pieux prédécesseurs d'Allah ont fait la différence entre les prêcheurs de l'innovation et les autres. Les prêcheurs de l'innovation, salaf, ils étaient sévères avec eux. Ils ont coupé toute relation avec eux, ils les ont mis à la quarantaine. Ils n'ont pas pris de science d'eux. Hein? Ils comptent, le prêcheur, il s'avance et il fait, hein? Et sa da'wa devient vers le faux, commence à s'agrandir, etc. Il le dénonce au pouvoir en place. Hein? Et il y avait des pouvoirs qui étaient sur la sunna, ils ont, hein, comme il a dit, et le gouverneur peut le tuer, hein, comme si c'est arrivé déjà. Et les salafs ont agi ainsi, avec certains prêcheurs qui sont allés trop loin dans leur faux, ils les ont dénoncés au gouverneur, et le gouverneur a émis la sentence de mort concernant ce prêcheur de l'innovation. Quant à celui qui se tait, quant à celui de la masse, il y a un autre comportement à avoir avec lui. Il faut savoir, il faut l'aménager, et on lui fait la da'wa en mettant les choses à leur place, avec de la bonne exhortation, on lui donne des éclaircissements. Il dit, c'est une ignorance que tu vois dans l'innovation, enseigne-lui, montre-lui son erreur, montre-lui, hein, explique-lui que cette œuvre qu'il est en train d'accomplir, c'est une innovation, mais avec preuve, avec argumentation claire. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il va le guider par ton intermédiaire. N'émets pas les sentences avant d'avoir donné les éclaircissements. Mets les éclaircissements et les preuves avant. Hein? Et après, s'il s'entête, il s'enorgueille, il refuse, à ce moment-là, tu te comportes avec lui, hein, comme il le mérite, parmi les lois qui le concernent. Et ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un point auquel il faut faire très attention. Dans certaines paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il est contenu à une expression qui nous dit ceci. Que le hajr, la mise à la quarantaine, concernant le hajr, il faut prendre en considération les profits et les corruptions. Si on est sûr qu'on va avoir un bon profit en mettant à la quarantaine les gens de l'innovation, on les met à la quarantaine. Sinon, non. Beaucoup de gens ont mal compris cette parole du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh. Ils se sont mélangés aux innovations, prétextant qu'il n'y a aucun profit dans le fait de les mettre à la quarantaine et de les délaisser et de s'en éloigner. Et que le fait de les délaisser, ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que rajouter de l'eau à l'argile. Et que le profit et l'intérêt veut qu'on se mélange avec eux, qu'on les amadoue et qu'on, hein. Et le pauvre, il a pas su. Et ce pauvre, ils n'ont pas su qu'ils sont devenus des grands défenseurs de l'innovation et des innovateurs. Et qu'ils sont devenus des grands accusateurs et des grands critiqueurs des gens de la sunna. Ils ont pris en considération le profit de l'innovateur. Ils ont négligé leur profit à eux. Ils sont tombés dans les filets de l'innovation et des innovateurs. Et Cheikh Rabi va nous éclairer sur le comment les innovateurs profitent et utilisent les paroles du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah. أشار حفظه الله إلى سوء فهم بعضهم لكلام شيخ الإسلام هذا بل استغلالهم لكلام شيخ الإسلام في مخالطة المبتدعة وعدم هجرهم فقال حفظه الله أنا أنبهكم كيف يستغل الناس كلام ابن تيمية كيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح والمفاسد هل يهمل مصلحتك أنت المسكين الذي يمكن أن ترتمي في أحضان أهل البدع Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, moi je vais vous montrer, je vais attirer votre attention, comment ces innovateurs utilisent mal les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Comment ils profitent des paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Hein? Et il dit, Quand Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il cite le fait de prendre en considération les profits et les corruptions, est-ce que Cheikh al-Islam, il a négligé ton intérêt, toi le pauvre, toi le pauvre et le faible qui risque d'être, de tomber dans les gérants et dans les bras des gens de l'innovation, tu crois que Cheikh al-Islam a oublié ton intérêt, l'a négligé? Quand il cite cette règle, prendre en considération les profits et les corruptions, يقول شيخ ربيع كلا هؤلاء يتعلقون بكلام ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاسد وينزلونه في غير منازله ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحضان أهل البدع. Il dit non, cela, c'est-à-dire les innovateurs, s'attachent aux paroles de Ibn Taymiyyah. Ces paroles qu'il a dit dans le fait de prendre en considération les profits et les intérêts, il dit, il s'attache à ces paroles concernant, le dire d'Ibn Taymiyyah, et il les utilise là où il faut pas. Il le met là où il faut pas. Il néglige l'intérêt des jeunes et le profit des jeunes qui sont tombés dans les gérants et dans les bras des gens de l'innovation. يقول فيجب الرعاية في المفاسد والمصالح أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب هل من مصلحتك أن تخالط أهل البدع؟ Il dit حفظه الله il faut qu'on prenne en considération dans cette règle qui est le fait de prendre en considération les profits et les corruptions, il faut qu'on prenne la première des choses, la priorité des priorités à prendre en considération, c'est ton profit à toi. Toi, le jeune, ton profit. Est-ce qu'il est dans ton intérêt que tu te mélanges avec les gens de l'innovation? يقول نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق. Il dit ici, حفظه الله, nous allons utiliser la règle qui dit سد الذرائع, fermer les portes qui vont amener vers le mal. Et ici, la réprimande, la règle qui va primer des chers, c'est la réprimande de la corruption. Il a dit, la réprimande de la corruption prime sur le fait d'acquérir des profits. Il dit ici, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de profit dans le fait de se mélanger aux gens de l'innovation. Sauf si tu veux les conseiller, tu veux leur montrer la vérité. يقول أما أن تجالسهم وتضاحكهم وتتخذ منهم أخدانا وأخلا بل يصل بك الأمر إلى موالاتهم ومعاداة أهل السنة فهذا هو الضلال البعيد يقع فيه كثير من الناس يجره الشيطان بحبل المصلحة فيرتمي في النهاية في أحضان أهل البدع ثم ينقلب خصما لدودا على أهل السنة. Il dit, quand tu fais que tu cherches leur compagnie, tu rigoles avec eux, tu le prends comme des intimes. Et peut-être la situation va t'amener jusqu'à s'allier pour eux et désavouer pour eux les gens de la sunna. S'allier avec eux et désavouer les gens de la sunna pour eux. Il dit ça, c'est le grand égarement. Il dit beaucoup de gens sont tombés dans cette situation. Shaitan, il l'a traîné avec la corde du profit pour le jeter à la fin dans les bras des gens de l'innovation, et il est devenu un des grands ennemis des gens de la sunna. يقول فانا اقول تراعي المصالح والمفاسد اولا في مصلحتك في مصلحة نفسك انت تعرف شخصك تعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك له ثم ماذا تريد من مخالطتك لأهل البدع هل تريد المصلحة او تريد الاستفادة منهم. الشيخ ربيع il te dit, moi, je te dis, il faut prendre en considération les profits et les corruptions. Premièrement, est-ce qu'il est dans ton intérêt, toi? Tu te connais, toi. Est-ce qu'il est dans ton intérêt? Toi, tu te connais personnellement. Il est dans ton intérêt de te mélanger avec eux? Tu te connais comment tu fermes? C'est quoi ta fermeté sur la voie? Tu connais comment tu respectes cette voie? Et aussi, qu'est-ce que tu veux du fait de se mélanger avec les gens de l'innovation? Est-ce que tu cherches un profit ou tu veux profiter d'eux? Hein? يقول إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيفة وابعدها وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل الحق فاختلط بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط سرا وعلانية لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسخط الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال أو تقع في البدع. Il dit, Havidahullah, si que tu veux tout simplement profiter d'eux, accuse-toi. Accuse ta faiblesse, éloigne-toi. Et si tu vois que tu as la capacité et la force de les conseiller, de les influencer, de les ramener du faux dans lequel ils sont vers la vérité, mélange-toi avec eux sur cette base-là pour les conseiller tout simplement. Que tu le conseilles en public ou en privé. Et non pas pour rigoler avec eux, pour manger avec eux, pour boire avec eux. Non, pour rien de tout ça. Ces choses-là ne plaisent pas à Allah, Azza wa Jal. Et ces choses-là peuvent t'amener à tomber dans l'égarement et à tomber dans les innovations. Certains de nos frères, là, tu les vois, aujourd'hui, demain, il est à chaque fois à se taper des sandwichs avec un tablier ou avec un ikhwan. Il dit, je le conseille. À longueur d'année, en train de rigoler avec lui, dans le snack, etc. Je conseille. Regarde les conseils de Sétiridis qu'il dit, Havidahullah. يقول Havidahullah, فهجران أهل البدع أصل أصيل عند أهل السنة ساروا عليه وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لا على منهج من يريد أن يجر شباب الأمة الذين ينفع الله بهم الإسلام ويرفع بهم رايته فيجرهم إلى أهل البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال. Il dit, Habibullah Ta'ala, la mise à la quarantaine et le fait de s'éloigner des gens de l'innovation est un des fondements fondamentaux chez les gens de la Sunna. Et ils étaient sur cette voie. Ibn Taymiyyah, hein, Rahimahullah, il a vu dans le fait de prendre en considération les profits et les corruptions, il ne l'a pas vu dans le sens et dans la voie de ceux qui veulent traîner les gens et prendre les jeunes de la communauté musulmane qui peuvent être profitables pour l'islam, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour propager l'islam, hein, et qui peuvent être les porteurs de l'étendard de cet islam. Et ces gens-là de l'innovation tirent, hein, les jeunes de la communauté, ils utilisent mal la règle, hein, cette règle, Qayyim ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ils l'utilisent d'une façon vicieuse, hein, pour égarer les jeunes et pour les détourner de la voie de la vérité. Et il faut faire très attention à ça. يقول فذهب كثير من الناس فوقعوا في احضان اهل البدع وضحايا لأهل البدع باسم مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها والتي يهمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى هوة الباطل والضلال. وقد وقع كثير بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عندهم نقرأ كتب أهل البدع أو كتب المفكرين فما كان حسنا أخذناه وما كان باطلا تركناه. Et il dit, Havidahullah, beaucoup de gens sont tombés dans les bras des gens de l'innovation et sont devenus des victimes des gens de l'innovation au nom du fait de prendre en considération les profits. Parce que ils ne savent pas préserver les profits. Hein? Ils ne savent pas préserver les profits à tel point qu'ils négligent le profit de ce pauvre qu'ils poussent vers les gens de l'innovation et de l'égarement et qui font tomber dans le feu dans l'égarement. Et pour ça, beaucoup sont tombés à cause de cette règle et à cause d'une deuxième règle. On lit dans les livres des gens de l'innovation ou dans les livres des penseurs, et ce qui est bon, on le prend, et ce qui est faux, on le rejette. Ça aussi, ça fait tuer, ça fait égarer les gens, les jeunes. Et il y a un point aussi très important qui a rapport avec ce que nous venons de voir concernant le mise à la quarantaine et le fait de délaisser les innovateurs. Et c'est un point sur lequel a attiré l'attention l'uridi, les porteurs de l'étendard de la réfutation et de l'éloge que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, Cheikh Rabi'a. Ce point, mas'alat salat ala al-mubtadi'a wa tarahum alayhi damat حيث أفاد حفظه الله بأنه يجوز الترحم عليه ما دام أنه مسلم وإن هجرناه وبدعناه وحدنا منه. Et donc c'est le point essentiel auquel il faut faire très attention à ce niveau-là, c'est la prière funéraire sur les innovateurs et le fait de faire dua quand ils sont morts, quand ils meurent. Hein? Cheikh Rabi a dit il est permis de faire dua tant qu'ils sont hein, musulmans que leur innovation ne les a pas sortis de l'islam, même si nous les avons mis à la quarantaine, même si nous avons décrété son innovation, et nous avons averti contre lui, on fait dua. فقال عزه الله مجيبا على سؤال هذا نصه هل يجوز الترحم على أهل البدع فأجاب أما الترحم على أهل البدع فإنه يجوز الترحم عليهم وهذا شيء عليه السلف الصالح ومنهم أحمد بن حنبل ودل على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une question lui a été posée, est-ce qu'il est permis de demander la clémence pour les gens de l'innovation? Il a dit, quant au fait de demander la clémence pour les gens de l'innovation, il est permis. Et il dit, ça c'est quelque chose sur laquelle étaient les pieux prédisseurs d'Allah Alim, fait partie de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et les textes du Coran et de la Sunna le prouvent. وسئل حفظه الله ما هو ضابط أهل السنة والجماعة في الصلاة على أهل البدع وهل يجوز الترحم عليهم فذكر تفصيلا جيدا مهما أوضح فيه مذهب السلف في هذه المسألة. Et la question lui a été posée concernant la règle des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna concernant la prière funéraire concernant les gens de l'innovation. Et est-ce qu'il est permis de demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les gens de l'innovation? Et il a cité dans un détail qui est très important, dans lequel il a donné des éclaircissements sur la voie des salaf concernant ce point. فقال السلف إذا درست كتبهم تراهم في الأمور الظاهرة إذا وقع الإنسان مثلا في القول بخلق القرآن أو عطل صفات الله الأمور الظاهرة إذا وقع فيها فإن السلف يبدعونه ويشددون في ذلك إلى حد التكفير. Il a dit, Hafidahullah, les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, quand tu étudies leurs livres, tu vois que concernant les actes apparents et les situations apparentes, quand quelqu'un tombe dans le fait de dire que le Coran est une créature, ou que quand quelqu'un dépouille les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens et de leur signification, ces choses qui sont claires et apparentes, hein, quand la personne tombe dedans, salaf, ils le prennent comme innovateur et peut-être ils vont aller plus loin, ils vont être sévères avec, ils vont aller plus loin peut-être jusqu'à le prendre comme mécréant. يقول أما قضية الترحم يرون الصلاة على أهل القبلة جميعا ما داموا من أهل القبلة ويصلون إلى هذه القبلة هذا كثير وموجود في كتب السلف والصلاة ترحم عليهم لكن إذا كان هناك إمام متبع فله أن لا يصلي على هذا المبتدع حتى يعرف الناس حقارة البدعة وأما سائر الناس فلهم أن يصلوا على هذا المبتدع بل يجب عليهم لأنه من فروض الكفاية أن يصلوا على هذا المسلم ولو كان مبتدعا ولهم أن يترحموا عليه وإذا كان هناك إنسان متبع ويريد أن يؤدبه فلا يترحم عليه ولكن لا يحرم الترحم ولا يمنع منه. Quant au sujet de demander la clémence pour les innovateurs, hein? Dit que salaf, voyez que on prie sur les gens de la Qibla, même s'ils sont innovateurs, ils ont décrété leur innovation, on prie sur eux, du moment qu'ils prient vers la Qibla, vers la direction de la prière, du moment qu'ils sont toujours musulmans, hein, on prie sur eux. Il dit, ceci, c'est quelque chose, hein, qui est rapporté beaucoup dans les livres de nos pieux prédisseurs dans l'âme. Il dit, la prière, c'est une forme de demander la clémence aussi. Il dit, mais si maintenant, il y a un imam, qui est suivi par les gens, qui est un modèle pour les gens, Il a à ne pas prier sur cet innovateur pour que les gens puissent savoir et connaître, le mauvais de l'innovation et la méprise de l'innovation et le mépris de l'innovation. Il dit quant à aux gens ordinaires, ils ont à prier sur le mubtadi', sur l'innovateur. Il est obligatoire de prier pour lui parce que les prières funéraires font partie des obligations collectives. Il faut que les musulmans prient sur lui, même s'il est innovateur. Il dit, ils peuvent demander la clémence pour lui. Il dit, mais si maintenant, il y a un imam, quelqu'un qui est suivi, un modèle pour les gens, il voit, éduquer cet innovateur, il ne lui fait pas de dua. Mais il n'interdit pas aux gens de faire dua pour lui. Et donc, l'histoire des grands imams, parmi les grands imams, il y a certains qu'au moment où l'imam allait dire Allahu Akbar pour la prière funéraire d'un innovateur, il sort du rang. Et il s'en va et les gens le voient sortir. Ou là, lui, en tant qu'imam, il quitte, il prend quelqu'un d'autre, il le place à sa place et lui, il part. Pour attirer l'attention des gens sur le méprise de l'innovation. Et Cheikh Rabih nous a montré aussi quelque chose de très important sur laquelle on va terminer aujourd'hui. C'est que il dit que il y a certains qui sont en divergence avec les pieux prédisseurs d'Allah alayhim et qui interdisent le fait de demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de l'innovation. Ils l'interdisent absolument. Ce sont les haddadis, les extrémistes des haddadis. Et ça, c'est une des particularités et l'un des signes des haddadis avec lequel ils se distinguent, avec lequel ils sont réputés. Dans son écrit, les caractéristiques des haddadis, là, il a cité ceci. في صفات الحداد ذكر رحمه الله وحفظه تبديع أن من صفاتهم تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعري مثلا أو أشعري بل لا بد أن تقول مبتدع وإلا فالحرب والهجران والتبديع il dit fait partie de leurs caractéristiques c'est qu'ils rendent innovateur celui qui ne prend pas et qui ne rend pas innovateur celui qui est tombé dans une innovation. Et ils lui font la guerre. Ils ont une animosité, il excite l'animosité contre lui et l'aversion contre lui. Ça suffit pas pour lui d'adier que tu dises que telle personne, il a l'ash'ariya ou il est ash'ari. Il est obligatoire que tu dises que c'est un innovateur, sinon c'est la guerre. Sinon, ils vont te faire la guerre, ils vont te mettre à la quarantaine, ils vont te rendre innovateur. كذلك من صفاتهم تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق. لا فرق بين رافضي وخضري وجهمي وبين عالم وقع في بدعة. Et aussi fait partie de leurs caractéristiques, c'est qu'ils interdisent absolument le fait de demander la clémence à Allah subhanahu wa ta'ala la clémence à Allah subhanahu wa ta'ala concernant les gens de l'innovation. Il n'y a pas de différence chez eux, il n'y a pas de différence entre un Rafidi, un Qadariste, un Jahmi ou un homme de science qui est tombé dans une innovation. Pas de différence, ils ne font pas la différence. ومن صفاتهم تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي. Et aussi fait partie de leurs caractéristiques des haddadi, c'est qu'ils rendent innovateurs tout un chacun qui demande la clémence pour Abu Hanifa, pour Shawkani, pour Ibn al-Jawzi, pour Ibn Hajar, pour Ibn Hajar et pour Nawawi. Et il faut faire très attention. Un point essentiel. Dans la confirmation de ce point, il faut faire très attention aux portes et aux fenêtres que peuvent ouvrir les Hizbi. Parce que ils peuvent utiliser cette porte qui est le fait de faire la prière sur les innovateurs et de leur faire dua pour éliminer, pour embellir l'image des gens de l'innovation et pour les éloger. Comme il a fait Abu al-Hassan al-Ma'ribi dans ce qu'a rapporté Cheikh Rabbi Hafidhahullah contre Hassan al-Ma'ribi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi a dit, الحقيقة أن الإخوة المسلمين على يعني ما فيهم وما قدموا من أجل الدعوة إلى الله عز وجل رحم الله أمواتنا وأمواتهم وأموات جميع المسلمين وأسأل الله أن ينزلهم منازل الشهداء ويرفعهم عنده سبحانه وتعالى في منازل عالية. Et donc regarde cette parole par laquelle il est rentré Abu al-Hassan sur laquelle va attirer notre attention Cheikh Rabbi. Il dit en réalité Abu al-Hassan il dit en réalité les frères musulmans avec ce qu'ils ont jamais ce qu'ils ont et en minimisant la façon dont il l'a dit, minimisons les innovations et les divergences qu'ils ont avec les gens de la Sunna. Avec ce qu'ils ont et ce qu'ils ont mis en avant pour la da'wa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde leur mort et nos morts, et les morts de tous les musulmans, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne la place des martyrs et qu'il les élève chez lui dans, à des degrés très élevés. Cheikh Rabbi Ayyadahullah a dit, commentant les paroles de Abil Hassan, قال معلقا على كلام أبي الحسن هذا الترحم على أهل البدع جائز عن أهل السنة وأنت تتكئ على هذا لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغة التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة. Cheikh Rabbi lui a répliqué en disant, a répliqué aux paroles d'Abu al-Hassan en lui disant, le fait de faire dua et de demander la clémence pour les gens de l'innovation, ceci est autorisé chez les gens de la sunna. Mais toi, tu t'appuies sur cette autorisation, et ton application chaleureuse, de cette autorisation, et ton exagération dont l'application de ce point, ceci montre, ceci est basé sur des causes et sur des signes de ta part qui ne sont pas des signes salafis. Ce qui t'a poussé à ça, c'est pas des choses salafis qui t'ont poussé à ça, c'est autre chose. Il dit parce que, Cheikh Rabbi, il dit les gens de la sunna véridique, tu ne les trouves pas. Tu ne trouveras pas chez eux cette façon chaleureuse et exagérée que peut-être ils ne vont même pas utiliser pour les grands hommes de la sunna. Tu vois ce point subtil sur lequel il attire notre attention. Regardez Abu al-Hassan où est-ce qu'il est allé. Il a pris cette autorisation de ne plus prier du sort d'Allah concernant le fait de prier sur les innovateurs, de leur faire dua. Et regarde comment il les a élogés, comment il a, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, les Ikhwan, malgré ce qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont mis en avant et ce qu'ils ont œuvré pour la da'wa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde leur mort et nos morts et les morts de tous les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des hautes places chez lui, les places de martyrs et ainsi de suite. Et regardez, ceci n'est pas passé inaperçu devant Cheikh Rabbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie dans son obéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu lakum jazakumullahu khairan. Et vu que ce cours, ce passage était très lent, donc c'est pour ça, désolé pour cette séance qui est un peu plus longue que d'habitude. Mais on ne pouvait pas couper ce chapitre comme ça. Barakallahu fikum.